parler d'athlétisme, on sait qu'on vient de parler avec notre ami Patrick Topiano de l'association de soccer de Dolboum-Cessny. Je voulais savoir comment ça se passe avec l'athlétisme à Dolboum-Cessny. On va parler avec Pierre-Luc Ménard, le responsable. Salut Pierre-Luc. Salut Danny. Pierre-Luc, comment ça se passe avec votre avec le COVID et ainsi de suite? C'est sûr que c'est un sport qui est seul. Est-ce que ça se passe bien dans l'ensemble? Ben en fait, la reprise des activités, là, on commence justement à l'école ce soir. Là, fait que c'est ma première rencontre avec les gens. Je recommence tranquillement. C'est sûr que l'athlétisme en soi, surtout le son, le demi-son, les marcheurs, c'est très difficile. Là. C'était très difficile de respecter là, des distanciations d'un mètre ou deux. Là, fait que c'est sûr c'est un défi en soi. Toutes les compétitions sont annulées pour l'été. Okay. Jusqu'en automne. Fait que c'est sûr que pour les jeunes, les objectifs là sont différents. Là. C'est vraiment juste plus du maintien de la forme, mais du remise en forme. Puis on parle, c'est sûr que pour certains jeunes, surtout mon noyau, là, au point de vue du club, tous les jeunes sont vers 5 à l'Aux Jeux du Québec cette année, qui c'était leur dernier championnat provinciaux. Il y en a qui visaient les Légions canadiennes, tout ça. Mais pour eux autres, c'est tout ça, c'est des rêves un peu à l'eau, là. C'est triste, mais c'est la vie, là. Ouais. Parce qu'ils tombent au cégep, puis c'est un autre game complètement. Donc, c'est vraiment triste pour eux autres, là. C'est vraiment une situation qui, ouais. qui est vraiment plate, là. Dis-moi, la motivation, ça doit être difficile, là, qu'est-ce que ça? Bien, surprenamment, j'ai eu quand même un noyau de jeunes qui a voulu continuer à s'entraîner. Okay. Mais tu sais, dans l'ensemble, c'est sûr que le niveau de participation va diminuer, puis il y en a que ça les a découragés à maintenir un niveau d'entraînement. Fait qu'ils ont décidé de faire d'autres types d'entraînement, des plus relax, d'autres sports, tout ça, parce que la motivation n'était pas là. Là, c'est sûr que je recommence à donner le service, puis ça va être un service de course, show lancé, selon le nombre de jeunes que je vais avoir. Parce qu'on va respecter, c'est sûr, les mesures gouvernementales, parce qu'on nous le demande, puis on est un OSBL officiel, fait que ça, faut m'organiser, prendre la responsabilité de ça, mais il faut s'entendre que c'est pas facile non plus, là. C'est un contexte difficile pour nous de respecter ces mesures-là, parce que ben c'est quand même de la course sur une piste d'athlétisme. Ouais, ouais, c'est sûr. Dis-moi, là, ouais. Ça s'enligne quand même pourquoi, là l'été, c'est, vous avez eu votre réponse, est-ce que ça va recommencer cet automne? Ben, je dirais qu'il n'y a pas encore rien de concret. Là. Ça passe toujours que par le ministère qui amène des idées. Je dirais que là, on est tombé dans la deuxième phase et les entraînements supervisés sont acceptés. La troisième phase, je parlais peut-être de compétition à huis clos. Encore là, de toute façon, on s'entend que c'est pas une problématique vraiment au point de vue de l'athlétisme. Là. C'est pas, il n'y a pas des grandes foules. Mais c'est plus complexe là, en compétition, dès compétition, parce que c'est toujours dans l'optique de parler d'un cross-country, mettons, contre la montre. Chacun part avec des départs différents, tout ça. Mais encore là, il y a des jeunes qui peuvent se tomber, il y en a un qui dépasse à côté. Le risque du 1 mètre va toujours être là dans l'ensemble. Ben oui, ben oui, ben oui. On le sait tous. Fait que c'est sûr que là, ça a l'air à vouloir... les mesures ont l'air à vouloir diminuer là, en termes d'exigence. Probablement qu'on peut viser qu'en octobre, dans ce coin-là, là, les premières compétitions, on va dire régionales, peut-être qu'ils vont arriver. Là. Fait que, chaque région peut-être va faire son premier championnat de cross-country. Et on peut peut-être espérer, d'après moi, qu'il va y avoir les premières rencontres en salle, on va dire, d'athlétistes scolaires, peut-être en janvier, février. Fait que, c'est comme on va voir comme en fin de compte s'équiper l'été complet là, en termes de compétition. Comme plein d'autres sports, là, on va bien savoir. Puis là, ça doit être dur quand même de partir en recrutement de monde quand que tu sais pas ce qui va arriver. Oui, ben les jeunes, en fait, j'ai hâte de voir, parce que les jeunes veulent comme recommencer à faire des activités et à se mettre en forme. De nos côtés, effectivement, on n'est pas dans le recrutement. Là, fait que ça va dépendre aussi de l'école, comment ça va aller à l'automne. Puis à partir de là, ben là, ça sera peut-être plus facile là, de recruter les jeunes. Ouais. Combien vous n'avez à peu près à l'heure actuelle? Ah, ben, je sais pas, je vais plus savoir à ça, je m'en vais là direct là, mais d'après moi, là, depuis un mois, j'avais comme peut-être un 5-6 jeunes vraiment qui compétitifs, là, qui auraient performé, point de vue, je dirais que ça. Là, peut-être que je peux m'attendre à une dizaine de jeunes, peut-être pour l'été, 15 max. Okay. Okay. Fait que mon noyau, c'était 15. On peut baisser à 10, d'après moi. C'est... Fait que c'est pas un gros noyau, mais c'est un noyau qui me suit, qui sont là depuis un petit bout de temps. Tout le temps là. C'est ça, c'est ça. On peut penser peut-être ça. Ben Pierre-Luc, ça fait pas mal le tour de ce qui se passe avec l'athlétisme à Debout-Mississigny. Oui, traite ça. Ah, fait qu'on s'en reparle bientôt. Dès que t'as quelque chose, on est là pour ça. Ben bon, merci. Pierre-Luc Ménard, qui est responsable du club du Mille, secteur de Debout-Mississigny.